Bonjour à tous, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. Donc aujourd'hui, nous rattrapons le retard un peu, donc désolé pour la fin de semaine où nous n'avons pas pu produire les lectures au fur et à mesure, mais on se reprend aujourd'hui en faisant la lecture de samedi, le 24 juin. Alors, joyeuse fête du Québec, j'en profite pour vous le souhaiter et on commence à l'instant. Avec cette lecture, alors que nous en sommes au jour 175 de notre lecture, et nous lisons dans la version français courant. Commençons donc avec 2 Rois, chapitre 8. Nous lirons verset 1 jusqu'au verset 13 du chapitre 9. Un jour, Élisée avait parlé à la femme dont il avait ramené le fils de la mort à la vie. Il lui avait dit, « Partez d'ici, toi et ta famille, et allez vous installer où vous pourrez. En effet, le Seigneur a décidé d'envoyer la famine dans le pays d'Israël. Elle va commencer et durera 7 ans. » La femme avait fait ce que le prophète lui recommandait. Elle était partie, aussitôt, avec sa famille, et s'était installée pour 7 ans dans le pays des Philistins. Au bout de ces 7 ans, elle revint avec les siens de chez les Philistins et elle se rendit chez le roi pour réclamer sa maison et son domaine. À ce moment-là, le roi était en train de parler avec Géasi, le serviteur d'Élisée. Il lui avait demandé de raconter toutes les choses extraordinaires que le prophète avait faites. Géasi lui racontait justement l'histoire de l'enfant mort qu'Élisée avait ramené à la vie lorsque la mère de cet enfant arriva auprès du roi pour réclamer sa maison et son domaine. Alors Géasi s'exclama, « Majesté, voici précisément cette femme avec son fils qu'Élisée a ramené à la vie. » Le roi questionna la femme qui lui raconta toute l'histoire. Aussitôt, le roi ordonna à l'un de ses hommes de confiance de s'occuper de cette affaire. « Je veux, dit-il, qu'on lui rende tout ce qui lui appartient et qu'on l'indemnise pour tout ce que son domaine a produit depuis qu'elle a quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. » Une autre fois, Élisée se rendit à Damas. Or, le roi de Syrie, Ben-Hadad, était malade. Lorsqu'il apprit que le prophète était en ville, il dit à Hazaël, « Va porter un cadeau au prophète Élisée. Tu lui demanderas ensuite de consulter le Seigneur pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Hazaël partit trouver le prophète. Il emmenait avec lui sur 40 chameaux les meilleurs produits de Damas pour les offrir en cadeau à Élisée. Il se présenta devant le prophète et lui dit, « Je suis l'envoyé de ton humble serviteur, Ben-Hadad, le roi de Syrie. Il m'a chargé de te demander s'il guérirait de sa maladie. » Élisée répondit, « Va lui dire qu'il guérira certainement. » Mais en réalité, le Seigneur m'a révélé qu'il allait mourir. Soudain, le regard du prophète devint fixe et son visage absolument rigide, puis il se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu, prophète ? » demanda Hazaël. Élisée répondit, « Je pleure parce que je sais déjà le mal que tu vas faire aux Israélites. Tu incendieras leurs villes fortifiées, tu égorgeras les jeunes gens, tu écraseras les petits-enfants et tu éventreras les femmes enceintes. Comment pourrais-je faire de telles choses, moi qui ne dispose d'aucun pouvoir ? » reprit Hazaël. Le Seigneur m'a révélé que tu deviendras roi de Syrie, répliqua Élisée. Hazaël quitta Élisée et retourna vers son maître. Celui-ci lui demanda, « Que t'a dit le prophète ?»« Il m'a dit que tu guériras certainement, » répondit Hazaël. Mais le lendemain, Hazaël prit une couverture, la trempa dans l'eau et l'appliqua sur le visage du roi pour l'étouffer. Le roi mourut et Hazaël régna à sa place. Pendant la 5e année du règne de Joram, fils d'Akab et roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, devint roi de Juda. Il avait 32 ans et il régna 8 ans à Jérusalem. Il épousa une fille d'Akab. Il se conduisit aussi mal que les rois d'Israël et que la famille d'Akab, faisant ce qui déplaît au Seigneur. Pourtant, le Seigneur ne voulut pas anéantir le royaume de Juda. En effet, il avait promis à son serviteur David que ses descendants régneraient toujours à Jérusalem. Ce fut pendant le règne de Joram que le peuple d'Édom se révolta contre la domination de Juda et se donna un roi. Joram se rendit alors à Saïr avec tous ses chars de guerre, mais en pleine nuit, le roi et les commandants des chars durent forcer la ligne des Édomites qui les avaient encerclés, et les soldats judéens s'enfuirent chez eux. Depuis ce moment-là, le peuple d'Édom est resté indépendant de Juda. La ville de Libna se révolta aussi à la même époque. Tout le reste de l'histoire de Joram est contenu dans le livre intitulé « Actes des rois de Juda ». Lorsqu'il mourut, on l'enterra dans le tombeau familial de la cité de David. Ce fut son fils Ahazia qui lui succéda. Pendant la 12e année du règne de Joram, fils d'Akab et roi d'Israël, Ahazia, fils de Joram, devint roi de Juda. Il avait 22 ans et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie et elle était de la famille d'Omri, roi d'Israël. Ahazia se conduisit aussi mal que la famille d'Akab, faisant ce qui déplaît au Seigneur, tout comme cette famille à laquelle il était allié par mariage. Avec Joram, fils d'Akab, Ahazia alla combattre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Au cours du combat, les Syriens blessèrent le roi Joram. Celui-ci retourna à Jisréel pour soigner ses blessures. Alors, Ahazia se rendit à Jisréel pour le voir, puisqu'il était souffrant. Un jour, le prophète Élisée appela un jeune membre d'un groupe de prophètes et lui dit « Prépare-toi à partir. Tu emporteras ce flacon d'huile et tu te rendras à Ramoth, en Galaad. Là-bas, tu iras trouver Jéhu, fils de Yochaphat et petit-fils de Nimchi. Tu l'appelleras et tu l'emmèneras à l'écart de ses compagnons dans une pièce retirée. Tu prendras alors le flacon et tu verseras l'huile sur sa tête en lui disant « Voici ce que déclare le Seigneur, je te consacre, roi d'Israël. » Puis, ajouta Élisée, « tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans tarder. » Le jeune prophète se rendit donc à Ramoth de Galaad. Lorsqu'il y arriva, les chefs de l'armée d'Israël tenaient une séance. Le jeune prophète déclara « J'ai quelque chose à te dire, chef. »« Auquel d'entre nous veux-tu parler ?» demanda Jéhu. « À toi-même, chef, » répondit le prophète. Jéhu se leva et l'emmena dans la maison. Le prophète versa l'huile sur sa tête en lui disant « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je te consacre pour régner sur mon peuple, Israël. C'est toi qui feras mourir les descendants d'Akab, ton ancien maître. » Ainsi, je vengerai tous mes serviteurs, prophètes ou autres, que Jézabel a fait assassiner. Oui, toute la famille d'Akab mourra. J'exterminerai tous les hommes de sa parenté, enfants et adultes. Je traiterai sa famille comme j'ai traité celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baasha, fils d'Aïa. Quant à Jézabel, personne ne l'enterrera, car les chiens la dévoreront dans le champ de Jisréel. Après avoir dit cela, le prophète ouvrit la porte et s'enfuit. Jéhu sortit et retourna auprès des autres officiers du roi, qui lui demandèrent « Que se passe-t-il? Que te voulait cette espèce de fou? » « Oh, rien, » répondit Jéhu, « vous connaissez ce genre de prophète et ce qu'ils peuvent vous raconter. »« Tu mens, » reprirent les autres, « raconte-nous donc ce qui s'est passé. » « Eh bien, » dit Jéhu, « il m'a parlé de telle et telle manière. » Il m'a dit en particulier, « Voici ce que déclare le Seigneur, je te consacre, roi d'Israël. » Aussitôt, tous les officiers enlevèrent leurs manteaux et les étendirent au haut de l'escalier pour y faire asseoir Jéhu. Les musiciens sonnèrent de la trompette et tout le monde se mit à crier, « Vive le roi Jéhu !» Nous enchaînons avec la lecture du psaume 142, poème chanté appartenant au recueil de David, prière qu'il prononça dans la caverne. J'appelle à grands cris le Seigneur, j'implore à grands cris le Seigneur. Je lui expose ma plainte, je lui fais part de ma détresse. Quand je perds courage, toi, tu sais où je vais. Sur la route où j'avance, on m'a tendu un piège. Regarde à mes côtés et constate-le. Personne ne prend garde à moi. Je n'ai plus aucun lieu où me réfugier. Personne ne se soucie de moi. Je fais appel à toi, Seigneur. Je te dis, c'est toi qui es mon abri, mon bien le plus personnel sur cette terre où nous vivons. Sois attentif à ma plainte, car me voilà bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts pour moi. Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer au milieu du cercle des fidèles quand tu m'auras fait du bien. Continuons avec la lecture de Proverbes, chapitre 17, versets 11 et 12. Le méchant ne cherche qu'à nuire et déchaîne ainsi contre lui les forces du malheur. Mieux vaut rencontrer une ours privée de ses petits qu'un sot tout plein de sa bêtise. Et nous terminons déjà avec notre dernier texte. Nous commençons un nouveau livre, donc nous voici dans Galates. Nous lisons ce matin le chapitre 1, versets 1 à 24. De la part de Paul, chargé d'être apôtre, non point par les hommes ou par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ramené d'entre les morts. Tous les frères qui sont ici se joignent à moi pour adresser cette lettre aux églises de Galatie et leur dire que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au pouvoir mauvais du monde présent, selon la volonté de Dieu, notre Père. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ, et vous, vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Je vous l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Est-ce que par là je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseignée, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélée. Vous avez entendu parler de la façon dont je me comportais quand j'étais encore attachée à la religion juive. Vous savez avec quelle violence je persécutais l'Église de Dieu et m'efforçais de la détruire. Je surpassais bien des frères juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive. J'étais beaucoup plus zélé qu'eux pour les traditions de nos ancêtres. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois née, il m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son Fils pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis allée demander conseil à personne et je ne me suis pas non plus rendue à Jérusalem auprès de ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je suis partie aussitôt pour l'Arabie, puis je suis retournée à Damas. C'est 3 ans plus tard que je me suis rendue à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis restée 2 semaines avec lui. Je n'ai vu aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là est vrai. Devant Dieu, j'affirme que je ne mens pas. Ensuite, je suis allée dans les régions de Syrie et de Cilicie. Les églises chrétiennes de Judée ne me connaissent pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait autrefois » prêche maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle loue Dieu à mon sujet. Je vous invite à prier avec moi pour conclure notre temps ensemble. Dieu de l'univers, grand Dieu, toi le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et de Jacob. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Merci qu'on puisse s'approcher de toi. Merci pour Jésus qui nous permet cet accès à toi, Père. Seigneur, on te confesse nos péchés, comme on vient de lire dans Galates. Paul était stupéfait de la rapidité avec laquelle le peuple de Galatie se détournait de Dieu. Il en va de même pour nous, Seigneur. Nous sommes parfois stupéfaits de nous-mêmes de voir la rapidité avec laquelle on se détourne de toi. On est plein de bonnes intentions, Seigneur. Puis combien rapidement on peut se détourner de toi par la suite. Pardonne-nous pour toutes ces fois où on ne garde pas les yeux fixés sur toi, mais où on se détourne. Seigneur, merci pour Jésus. Merci parce que dans sa grâce, il nous pardonne, il a payé pour nous. Merci Seigneur de nous avoir choisis avant même qu'on soit né. Merci parce que tu nous appelles à te servir. Merci pour cette vocation extrêmement importante et solennelle à laquelle tu nous appelles. Oui Seigneur, permets que notre plus grand désir ce soit de te plaire à toi et non aux hommes. Qu'on soit vraiment des serviteurs fidèles qui travaillent avec acharnement, Seigneur, à la propagation de ton évangile et à partager la bonne nouvelle. On te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus ce matin. Amen.